Karimbole Kaloba oh. Karimbole Kaloba oh. Karimbole Kasama oh. Karimbole Kasama oh. Karimbole Kasama oh. D'Afrique. Chiron ira chamba ouki. Eh la dani ni on chete mo. Chete mananga e kayembe. L'international lex chete ma kayembe. Mote ma basio. Maître ta jona sala dini on chete ma. États-Unis. Chomba les grands géants, les grands gérants, monsieur Franck, États-Unis, c'est quitté, la salle à Nino. Chez Piro, Barnafuna, papa Jeff Kolopam. Et pour les cesser, le père qui va jeter une douleur. Papa Olivier, Olivier. Patrick, elle est dans Radio et Kanga. Ma bibi chère, ma belle. Patrick, elle est dans les Radio et Kanga. Oh, y'en a mon émo. Chète-moi. Colo pour la chète-moi. Aïe, c'est ma passion. Marina, comme ton dégré, aïe, mais c'est ma passion. Oh, la boîte.